Michel Agier, sans savoir au moment où nous t'avons contacté pour ce programme que le sujet serait particulièrement brûlant, hein, sans le savoir, j'allais dire, tu tombes bien ou tu tombes. Le contexte, la situation tombe certainement très mal. En tout cas, on a vraiment pensé, c'était en octobre ou novembre, on a vraiment pensé ouvrir ce cycle par cette conférence sur les dispositifs, de mise en camp des migrants, qui sont certainement révélateurs des politiques mises en œuvre, politiques chez nous, hein, nationales, locales, politiques internationales, politiques européennes, et qui nous interrogent, il nous semble, aussi sur le principe même de l'hospitalité qui nous concerne tous. Donc c'est pour cette raison que nous t'avons invité. Tu es directeur de recherche en anthropologie à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Tu es directeur d'études à l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales. Et encore une fois, nous te remercions chaleureusement d'avoir accepté de venir jusqu'à Tours. Alors Michel Agier a mené de très très nombreuses enquêtes dans ce vaste monde, dans les quartiers des milieux sociaux pauvres, en Afrique, en Amérique latine. Puis ses recherches se sont orientées sur des espaces de regroupement des personnes déplacées, réfugiées, exilées. Par exemple, les périphéries urbaines qui accueillent les déplacés internes, les camps de réfugiés, bien sûr, les zones de transit, tous les lieux de mise à l'écart des migrants, des clandestins et des autres personnes jugées, désignées comme indésirables. Le travail a conduit à la coordination d'un ouvrage, et je l'ai laissé sur la table alors que je voulais le brandir haut, d'un gros ouvrage collectif, c'est important de le préciser, hein, qui présente 25 cas, 25 situations formant une sorte de tour du monde des camps. Du plus ancien Shadila au Liban, au plus grand Dadaab au Kenya, 450 000 habitants, hein, en passant par le plus informel en Haïti ou le plus précaire à Calais, pas très loin de chez nous. C'est un livre, je vais pas faire de la publicité, mais simplement, c'est un livre d'une lecture très aisée, qui est facile à lire, même si parfois, bien sûr, éprouvante. Hein. C'est un livre qui fait découvrir la vie intime et quotidienne des personnes qui sont assignées dans ces camps. Je vais tout de suite te laisser parler beaucoup mieux que moi de cette recherche, de cette situation, hein, mais je finis en remerciant Olivier Legros, que beaucoup d'entre vous connaissent, maître de conférence en géographie à l'université et spécialiste de la question Rome, qui a accepté d'animer cette conférence. Et juste une dernière chose, pour ceux que ça intéresse, on a ramené quelques exemplaires de cet ouvrage que vous pouvez vous procurer à la fin de la conférence. Voilà, merci. Bien, merci beaucoup Bénédicte, et puis merci à vous d'être ici. Effectivement, le sujet est certainement d'actualité, mais je vais essayer de rester quand même dans le cadre de ce qui a été envisagé, prévu par l'Université populaire de Tours, et puis si vous voulez nous aborderons les questions d'actualité plus précisément parisienne ou calaisienne ou italienne peut-être dans la discussion, mais je pense que mon utilité ici est d'abord, je crois, de vous parler de ce projet qui a été de ce projet qui s'est réalisé. Donc c'est un programme de recherche qui a abouti à cet ouvrage Le Monde des Camps, et vous raconter un petit peu ce qui a motivé cette enquête, cette publication, et quelle est l'ambition que nous avons cherché à atteindre. On pourrait dire, pour paraphraser la thématique de ce cycle de conférences, que ce dont je parle, ce dont je m'occupe, c'est peut-être quelque chose qui serait la fabrique de l'indésirable, puisqu'effectivement, J'ai l'impression qu'on est revenu depuis la fin de la guerre froide, et là aussi c'est un moment dont on pourra reparler. Je pense qu'on a changé de siècle, comme on dit, avec la fin de la guerre froide, et le début de la perception d'un monde dont certains ont pu penser que c'était un monde sans frontières ou un village global, et qui s'est avéré en fait un monde plein de murs, plein de camps et plein de violence. Hannah Arendt, dans les années 50, avait déjà évoqué la question des indésirables. Elle parlait alors des Juifs des années 30 qui s'étaient retrouvés indésirables partout, non seulement chassés d'Allemagne, mais indésirables en Europe aussi. Et ça a été rappelé comment, dans une réunion internationale qui s'était tenue en 1939, l'ensemble des pays européens et des États-Unis avaient eu des mots qui ressemblent beaucoup à ce qu'on entend aujourd'hui à propos des migrants qui viennent des pays du Sud, qui étaient en gros où vous voulez dans le monde, mais pas chez nous. Et donc cette incapacité des gouvernements de l'époque a par la suite été interprété, été critiqué comme étant une trahison de la part des États qui voyaient bien ce qui était en train d'arriver et qui faisaient un peu comme s'ils ne le voyaient pas. À ce moment-là, effectivement, ou pour parler de ce moment-là, Hannah Arendt, elle-même juive allemande exilée plus tard, en 1941, je crois, aux États-Unis, a parlé des indésirables. On a parlé des indésirables en France aussi à propos des exilés espagnols. Et en 1939 encore, 600 000 exilés politiques, clairement, ont franchi la frontière espagnole, sont arrivés en France. À peu près la moitié d'entre eux ont été mis dans des camps. Donc la France a une histoire des camps qui n'est pas seulement l'histoire de la Shoah, qui est aussi une histoire de la mise à l'écart des indésirables. Mais une autre moitié, 250 000 au moins, ou 300 000, ont fait l'objet d'une forme de solidarité, une solidarité politique, une solidarité idéologique, et ont été intégrés, accueillis dans la France de l'époque. Je dis ça parce que je pense qu'il est important aujourd'hui de garder à l'esprit, aussi bien en France qu'ailleurs dans le monde, qu'il existe ces deux facettes. Une facette qui est celle effectivement de la qu'on trouve souvent dans les gouvernements des États-nations. Les États-nations se déresponsabilisent de la figure du réfugié parce que c'est une figure idéal typique du sans-État, hein, de ce qui est rejeté par l'État-nation. Et pour revenir à Hannah Arendt, la philosophe de la crise de la modernité qu'elle a été, a construit une grande partie de son raisonnement en montrant que l'existence même des réfugiés montrait la crise de l'État-nation, et non pas, comme on le dit aujourd'hui, la crise des mobilités. C'est la crise des États-nations, c'est les États-nations qui produisent un reste, ceux et celles qui n'entrent pas dans les États-nations, qui sont en reste, et ce reste, bon, elle les a appelés, elles, les sans-État, on les avait appelés les indésirables, ils ont été appelés les surnuméraires, et c'est une population qui, à l'échelle globale, prend des proportions considérables. Et je pense qu'il est utile d'en parler, non pas à ce moment-là de la réflexion en termes compassionnels ou victimaires, mais en parlant comme des sujets d'une politique qui se heurte à la politique de l'État-nation. Alors je vais expliquer un petit peu tout ça avec les exemples que je voudrais développer, mais c'est un peu le centre de mon propos, et je crois le centre de mon analyse de la crise actuelle. Donc fabrique de l'indésirable, crise des États-nations, c'est un peu autour de cette idée-là qu'il m'a semblé, comme ça a été rappelé nécessaire à un moment donné de faire évoluer mes objets de recherche de sciences sociales qui sont toujours interpellés par les crises sociales, par les crises de l'actualité, du contemporain, de les faire évoluer depuis effectivement les enquêtes sur les périphéries urbaines, les marginalités urbaines, etc., vers d'autres marges ou d'autres périphéries qui étaient celles, les espaces qu'occupent les populations déplacées. Les populations déplacées, terme très générique, hein, on va le préciser un peu, à l'échelle globale. Donc il fallait aussi réussir à appréhender l'échelle globale. Alors pendant plusieurs années, j'ai mené des enquêtes en Afrique et au Proche-Orient dans des camps de réfugiés, des camps de déplacés internes. Après cette année-là, j'ai mené des enquêtes plus rapides sur des campements de migrants en Europe. Alors la première ensemble d'enquêtes a donné lieu à un ouvrage assez monographique, descriptif, qui s'est appelé « Gérer les indésirables, des camps de réfugiés au gouvernement humanitaire », où j'ai développé une critique aussi du dispositif humanitaire qui est très largement sécuritaire. Et puis, au fur et à mesure que je menais ces enquêtes, donc depuis 1999, on va dire 2000, jusqu'à 2007, 2008 et 2009 pour l'enquête sur les campements, je me suis aperçu que de plus en plus de personnes menaient ce genre d'enquête, des étudiants qui ont fait des recherches avec moi, des chercheurs qui venaient aussi sur ces terrains. Et au bout d'un moment, j'ai pensé qu'il était possible de réunir un ensemble de recherches qui permettraient de donner à un moment donné, l'image, si on veut, le paysage que peut représenter à l'échelle mondiale l'ensemble des camps qui existent aujourd'hui dans le monde, tout en restant très ethnographique, puisque je suis anthropologue et il faut faire toujours de l'ethnographie quand on est anthropologue, et donc en partant à chaque fois d'études de cas particulières. Ce qui m'a étonné, c'est qu'il a été relativement facile, et ça c'est une première information, la facile possibilité de faire en réalité ce tour du monde des camps, parce qu'il existe tout un domaine d'études maintenant, aussi bien en France que dans d'autres pays européens ou aux États-Unis, un domaine d'études que nos collègues anglo-saxons appellent les camp studies, les études de camp, mais aussi parce que ça veut dire que cette forme de regroupement des personnes, cette forme d'agglomération, s'est considérablement développée et s'est considérablement diversifiée. Alors, le panorama général, dans un premier temps, on avait simplement intitulé un paysage global, un paysage, c'est-à-dire quelque chose qui existe à l'échelle globale, un ensemble de formes spatiales et d'organisations sociales qui se ressemblent, on va dire, parce que d'autres problèmes, qu'est-ce qu'on peut comparer, qu'est-ce qu'on compare avec quoi, mais bon, on pourra en parler, mais un ensemble d'espaces et de situations qui ressemblaient et qui semblaient faire à l'échelle mondiale un paysage relativement homogène, ou en tout cas, pour parler un peu comme les historiens de ce qu'on appelle maintenant l'histoire globale ou l'histoire monde, qui faisait un ensemble connecté. C'était un ensemble en relation. Alors cet ensemble, je vais dresser le tableau très rapidement. On va dire qu'il y a d'abord, principalement au cœur de ce grand système, il y a d'abord les camps de réfugiés, qui sont les camps de réfugiés statutaires, j'insiste, je ne donne aucun qualificatif, je ne parle pas de la vie des gens, là, quand je dis ça. Pour moi, les gens qui sont dans ces périples sont exilés, tout simplement, quel que soit le statut, la catégorie institutionnelle qu'on leur attribue, mais un certain nombre de personnes peuvent avoir la catégorie institutionnelle officielle de réfugiés qui leur est donnée par le HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ou par l'état du pays dans lequel ils se trouvent. Donc ces réfugiés se trouvent, pour 6 millions d'entre eux, dans des camps de réfugiés. Ça veut dire à peu près un tiers des réfugiés statutaires reconnus comme réfugiés se trouvent dans des camps. Deux tiers sont en vadrouille, sont dans les villes, etc., ou sont accueillis dans d'autres contextes que ceux des camps. 6 millions donc de réfugiés statutaires dans environ 450 camps dans le monde. Dans ces 450 camps, il y a évidemment la soixantaine de camps de réfugiés palestiniens qui sont les plus anciens de ces camps, le plus ancien étant dans le panorama que nous avons dressé, le plus ancien c'est le camp de Shatila à Beyrouth qui a été ouvert, si on peut dire, en 1949 et officialisé en 1951. Et puis se trouve, comme ça a été dit, le camp de Dadaab au Kenya, qui est, avec 450 000 occupants aujourd'hui, la plus grande installation, on peut dire, de réfugiés statutaires encore qu'on trouve dans le monde, mais arrive derrière bon, d'autres camps, comme maintenant le camp de Za'atari en Jordanie, où se trouvent des dizaines de milliers de réfugiés syriens. À un moment donné, il y en avait 200 000. Le HCR a trouvé que ça pouvait être dangereux qu'il y ait tellement de monde, donc ils ont créé un autre camp plus loin pour déplacer les gens, pour qu'on n'atteigne pas des chiffres trop importants. Et donc on peut avoir dans ces camps des nombres considérables qui font des villes, si on peut dire, en tout cas par la taille, mais aussi par une certaine forme de socialisation qui se développe dans ces espaces. Et puis par la durée aussi, puisque ces camps de réfugiés, bon, les camps palestiniens sont donc les plus anciens, ont plus de 60 ans. Vous avez aussi évidemment les camps sahraouis qui sont dans la région de Tindouf en Algérie, qui datent de 1975, donc ça nous fait 40 ans. Vous avez donc les camps qui se trouvent au Kenya, qui datent de 1991, ça fait 24 ans. Et ainsi de suite, des camps qui se trouvent en Zambie, qui étaient des camps principalement de réfugiés angolais, donc qui avaient été ouverts en 1971, donc ça fait aussi un certain nombre d'années, mais où sont arrivés après d'autres réfugiés congolais, burundais, rwandais, etc. Donc on a dans cet ensemble, on va dire au centre quoi, de cet ensemble, les camps de réfugiés statutaires mis en place par ou sous le contrôle des organisations des Nations Unies. On a par ailleurs à peu près le même nombre de déplacés internes, qu'on appelle les IDPs, les Internal Displaced Persons, dans le langage international, des déplacés internes qui sont dans des camps de déplacés. Ce sont des personnes qui ont quitté leur lieu de vie, mais qui n'ont pas traversé la frontière de leur pays, et qui se retrouvent donc dans des camps qui sont également, pour avoir ce statut-là, des camps qui ont été enregistrés soit par l'administration nationale, soit par une organisation internationale. On compte à peu près, et là les chiffres sont beaucoup plus changeants encore que dans le cas des camps de réfugiés, on trouve à peu près 1500 camps de déplacés internes dans le monde où se trouvent au moins 6 millions de personnes. On trouve ces camps de réfugiés et de déplacés principalement dans les pays du Sud, comme on dit en Afrique, en Asie, au Proche-Orient, etc. Et dans les pays du Nord, Europe, États-Unis, Australie, Japon, ce qu'on trouve principalement, ce sont des centres de rétention. On a considéré que cela faisait, qu'on pourra en parler, que les centres de rétention faisaient partie du même dispositif que les camps de réfugiés, parce que ou les camps déplacés, parce que finalement, c'est à peu près les mêmes personnes qui se trouvent dans un lieu et un autre, et puis surtout, dans tous les cas, il y a un phénomène d'enfermement, il peut y avoir une intervention humanitaire, et ce sont des gens qui sont, pour ainsi dire, suspendus dans un hors statut, dans une situation en dehors d'un rapport de citoyenneté, c'est ce qu'on appelle l'exception, mais je reviendrai là-dessus tout à l'heure en parlant de ce qu'on appelle finalement la forme camp. Ces centres de rétention représentent, si on compte les lieux de rétention de plus de 50 personnes, sans compter ceux où il y a moins de 7 personnes, sont au nombre de 1000 dans le monde, donc dans les pays du Nord essentiellement, où passent 1 million de personnes chaque année. Donc là, avec un transit, une circulation beaucoup plus importante que dans les camps de réfugiés ou les camps de déplacés. Alors si je présente ça, c'est que dans l'ouvrage, et puis après on l'a refait dans une autre version, on a une carte mondiale des camps dans le monde. On a essayé de faire une carte mondiale des camps dans le monde. Et quand on regarde cette carte, c'est assez simple. Vous avez les camps de réfugiés et de déplacés dans les pays du Sud. Vous avez les centres de rétention dans les pays du Nord. Et entre les deux, aux frontières, vous avez des campements. Donc les campements, ce sont les campements qu'on trouve au nord de l'Afrique ou de l'Afrique du Nord. Ce sont les campements qu'on trouve au nord du Mexique, près de la frontière et du mur entre le Mexique et les États-Unis, et qu'on trouve bon, sur l'Europe orientale, certaines régions au niveau du Proche-Orient. Dans les campements, on a en réalité deux types de campements. On a les campements aux frontières, qui sont ceux-là que je viens de dire. Alors les campements aux frontières, c'est ceux bon, de la forêt de Belyounech, qui est au nord du Maroc, tout près des enclaves espagnoles qui se trouvent au nord de l'Afrique. Les campements de la ville de Tijuana, par exemple, ou d'autres villes qui sont le long de la frontière. Les campements qui se trouvent à la frontière grecque, dans la ville de Patras, avant qu'il ait été détruit en 2009, il y avait le campement des Afghans de Patras, comme on l'a appelé, sur lequel j'ai fait des enquêtes avec une photographe, Sarah Prestiani, où on a pu constater qu'un campement s'était établi là depuis 12 ans et avait acquis une certaine stabilité. Et les gens finissaient par habiter le lieu. On pourra revenir sur cette idée-là. Et évidemment, bon, le campement, les campements, là, ce qui était ce qu'on appelait la jungle de Calais jusqu'en 2009, qui a été détruite et qui était un campement, bon, qui avait été établi par les personnes eux-mêmes. Donc, il y a une différence entre ces campements qui sont établis par les personnes elles-mêmes parce qu'elles ne peuvent pas traverser une frontière, parce qu'elles sont à un moment donné en situation, elles sont mises en situation irrégulière, on va dire. Et donc qui établissent là un campement là où elles peuvent, comme une espèce de refuge minimal. Donc ça, c'est assez différent, effectivement, des camps proprement dits, pour ça que je fais la différence aussi entre le camp et le campement, des camps proprement dits, des camps de réfugiés ou des camps de déplacés, qui sont créés par des organisations, par des administrations, où on met les gens de plein gré ou de force, et où les gens sont assignés dans ces lieux avec... dans le cas de ce qu'on appelle les camps humanitaires, bon, avec une aide humanitaire, mais avec toujours, comme je l'ai signalé, un élément sécuritaire plus ou moins important. Donc le campement, lui, est quelque chose qui est créé comme un refuge, un abri, une cachette par des gens qui sont en déplacement dans des situations où ils sont irréguliers, comme on dit, où ils sont pas accueillis, quoi. Les campements donc aux frontières et puis les campements dans les villes, les campements urbains qui eux sont autant que ceux des frontières mais encore plus, ce sont des milliers de campements qu'on trouve dans le monde entier. On en trouve là dans les pays du Nord, dans les pays européens, on en trouve au Moyen-Orient, on en trouve dans le Nord de l'Afrique, on en trouve en Afrique aussi dans les mêmes contextes que ceux des camps de réfugiés ou des camps de déplacés. Lorsqu'il y a des guerres, des gens passent une frontière et se mettent quelque part et établissent un campement éventuellement dans une ville, dans un quartier, etc. Avant d'être parfois rattrapés par une police, mis dans des camps contrôlés, sécurisés. On en trouve aussi en Amérique latine avec par exemple des peuples dits autochtones, des groupes ethniques qui sont chassés de leurs terres par des entreprises agro-industrielles ou des très grands projets hydroélectriques et qui font déplacer manu militari la population qui est là et qui se trouve en général sans autre recours que d'aller s'installer dans les villes et autour des villes et qui s'établissent là, souvent dans les pires conditions, là encore avec un campement qui a une fonction de refuge, d'abri dans les conditions d'un manque d'hospitalité. C'est aussi bien souvent ces campements des formes d'occupation. Alors l'occupation nous mène vers une toute autre problématique qui n'est pas abordée dans cet ouvrage mais qui a à voir avec ça, qui est la formation des bidonvilles et des favelas. Et comme j'avais travaillé avant sur les favelas brésiliennes, je me suis rendu compte que finalement les campements sont toujours à l'origine d'une forme de marginalité, de marge urbaine, de périphérie urbaine qui avec le temps forme des quartiers périphériques, des quartiers populaires et puis finalement des quartiers tout simplement. Et donc cette logique-là m'a particulièrement intéressé et elle a orienté une bonne partie de mes recherches sur ces camps, c'est-à-dire l'urbanisation des camps ou l'encampement comme une des formes d'urbanisation aujourd'hui dans le monde. Une urbanisation bien évidemment marginale, une urbanisation d'indésirables, mais où finalement des groupes, des peuples, des individus regroupés dans des collectifs et dans des agglomérations qu'ils n'ont pas choisis au départ, finissent par occuper des lieux, transformer ces lieux et en faire des lieux de vie auxquels ils vont s'attacher. Alors je reviendrai là-dessus, mais voilà, le panorama général, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'en gros, si on compte avec l'évolution récente de ces deux ou trois dernières années, avec les conflits au Proche-Orient, au nord de l'Afrique, dans l'est de l'Afrique, avec le Sud-Soudan actuellement, etc., tous les conflits, toutes les crises produisent des camps et renouvellent finalement la forme du camp. Et ce sont à chaque fois des crises qui mettent en jeu des États les uns contre les autres, ou des États avec leur propre population, qui produisent ces populations exilées à un moment donné et qui produisent cette forme d'agglomération, de mise à l'écart, qui, elle, a tendance à durer, à s'inscrire dans la durée. Voilà. Et qui crée quelque chose qui peut être un lieu d'indésirable, mais qui crée quelque chose aussi qui fait partie de la globalisation, qui fait partie du monde tel que le monde s'organise actuellement. Donc on a environ entre 18 et 20 millions de personnes aujourd'hui dans ces différentes sortes de camps, campements, camps déplacés, camps de réfugiés, campements urbains, campements à la frontière, centres de rétention, etc. Et toutes les formes qui naissent, si on peut dire, sans arrêt, dans cette temporalité qui est celle, on va dire, du post-guerre froide. Et si j'insiste là-dessus, c'est parce que je sais qu'il y a un sujet fort de discussion, particulièrement en Europe, sur la forme du camp, à savoir que le camp, ou toute discussion sur le camp, ou sur le mot camp, ou sur l'idée de camp, est toujours rapportée à la Shoah et au camp de la mort. Or là, on n'est pas dans un camp historique, on est dans des camps contemporains, et j'insiste sur la contemporanéité de ces camps, c'est-à-dire c'est une des formes que prend la globalisation. Ça n'est pas un résidu du passé, ça n'est pas quelque chose qui nous reste du passé, bien que ça existe depuis bien longtemps et depuis bien avant la Shoah. Je faisais mention des camps de réfugiés espagnols, on peut parler des camps de tziganes au début du XXe siècle qu'il y avait en France aussi, ou comme on le dit souvent, les camps de Boers à la fin du XIXe siècle en Afrique du Sud. Mais donc la forme camp existe depuis bien avant et bien après la Shoah, mais ce qui me semble important, tout en resituant dans l'histoire, c'est de dire la contemporanéité, pour ne pas dire la modernité, parce que ça pourrait être mal compris, la contemporanéité de cette forme sociale et de cette forme spatiale. Alors, Il est intéressant quand on voit la diversité des formes, des populations qui se trouvent dans les camps, des différents statuts de population qui sont là, des formes de camps, puisqu'on a des campements qui sont de peut-être 500, 600 personnes jusqu'à un camp de réfugiés de Dadaab à 450 000 personnes. Donc on a une très grande diversité. Donc il est intéressant d'essayer de caractériser la forme camp pour dire peut-être quelque chose comme à partir de quel moment ce que je vois là est un camp et est-ce que ça va durer, enfin, est-ce que c'est quelque chose que je vois et qui va disparaître ou est-ce que c'est appelé à durer, est-ce qu'il y aura de la reproduction sociale de cette forme. Alors il m'a semblé qu'on pouvait utiliser trois termes un petit peu mnémotechniques pour définir la forme camp, c'est l'extraterritorialité, l'exception et l'exclusion. Alors l'extraterritorialité, bon, c'est un sujet qui intéresse les géographes et qui me fait souvent discuter avec les géographes, puisque les anthropologues dont je suis utilisent assez peu la notion de territoire, sauf là en l'occurrence pour dire qu'on est en dehors de tous les territoires. Alors j'ai utilisé un terme aussi équivalent à celui-là, qui est le hors-lieu, c'est-à-dire on est en dehors de tous les lieux. Ce sont des espaces qui sont en dehors de tous les territoires, c'est-à-dire qu'on peut être spatialement sur un territoire d'une ville ou territoire d'une nation, mais un décret d'une autorité publique, d'une organisation qui a le pouvoir, qui a la souveraineté sur un espace, décrète que cet espace-là ne fait pas partie de l'espace commun, du territoire. Ça veut dire, par exemple, que le HCR négocie avec les gouvernements des pays dans lesquels il installe des camps de réfugiés pour faire que les gouvernements cèdent leur souveraineté sur certaines portions de territoire au HCR ou aux organisations internationales qui vont intervenir. Et donc, le statut des gens qui se trouvent là est un statut hors territoire. C'est un statut en dehors du territoire national. J'ai toujours un exemple que je donne et vous pouvez vérifier si vous voulez. C'est le camp de Dadaab dont je parlais, avec ses 450 000 habitants, qui se trouve dans un district de Garissa où il y a 350 000 habitants, non compris les réfugiés. Mais le camp de Dadaab n'apparaît pas sur les cartes du pays. Il n'existe pas. Donc on pourrait dire que c'est les points noirs ou les points blancs, je crois qu'il y avait un auteur qui avait fait une carte des vides, c'est un ensemble de vides, quoi, d'une certaine façon, de la territorialité nationale, et on peut dire ça un petit peu systématiquement de tous ces espaces. L'extraterritorialité la plus classique, c'est aussi, par exemple, celle des zones d'attente de personnes en instance à l'aéroport de Roissy, où des gens se trouvent bien dans l'aéroport, comme vous et moi, quand nous prenons l'avion, nous descendons de l'avion, mais au lieu d'aller vers la petite fenêtre du passage du passeport, ils sont déviés vers un autre passage qui est un hangar ou une salle d'attente, où ils peuvent attendre pendant des jours et des jours. Mais ce qui m'intéresse, c'est que cet espace-là fait l'objet d'un décret, et il existe le décret selon lequel cet espace est considéré comme extraterritorial. Il n'est pas français. Et donc les gens qui sont là, d'une certaine façon, par la fiction, donc c'est une fiction juridique de l'extraterritorialité, on décrète que ces gens-là n'ont pas mis le pied en France. Donc évidemment, les conséquences vis-à-vis du droit international, puisque le droit international dit que dès qu'une personne a posé le pied dans un pays et qu'elle dit « je demande l'asile », on ne peut pas la renvoyer, on doit examiner sa demande d'asile. Donc là, on crée des espaces extraterritoriaux pour que les gens ne se trouvent pas dans le pays dans lequel ils pourraient demander l'asile. Finalement, les États font un peu ce qu'ils veulent avec cette forme de fiction juridique de l'extraterritorialité, mais on peut dire d'une manière générale que on a toujours une délimitation de ces espaces. Alors il y a certains espaces comme des camps de réfugiés au Liban, au sud du Liban, à la différence par exemple de la ville de Beyrouth. Au sud du Liban, les camps de réfugiés sont emmurés avec des militaires qui surveillent à partir d'un mirador. Voilà. C'est aussi le cas dans certains camps qui se trouvent en Thaïlande, où c'est des très grandes barrières comme ça, et donc on délimite, voilà, on délimite au minimum on délimite le lieu où on enferme, ce qui est évidemment la forme la plus dure, quoi, de l'extraterritorialité. Alors la deuxième caractéristique qui peut permettre de parler de la forme Kant, c'est l'exception. Donc ça va avec, si vous voulez, c'est l'exception au sens de l'exception juridique, l'exception politique. Les gens qui sont là ne relèvent pas du même régime de citoyenneté, du même régime de droit que les citoyens que nous sommes, que les citoyens du pays dans lequel se trouvent les personnes qui sont là. Donc ils sont dans un régime d'exception, c'est-à-dire que la même loi des citoyens d'un pays ne s'applique pas à ces personnes-là, ce qui pose toujours régulièrement des problèmes, par exemple dans les camps de réfugiés, pour savoir quelle est la loi qui s'applique quand il y a un conflit, quand il y a un problème, etc. Et donc, en général, ce sont les ONG qui sont là, qui résolvent finalement, ou le HCR qui fait la loi. Voilà. Et donc, on peut avoir effectivement des espaces dont certains ont pu dire, pour mettre en évidence des scandales, des choses comme ça, que c'était des zones de non-droit. Je pense que ce ne sont pas exactement des zones de non-droit, c'est plutôt des zones de droit d'exception, c'est-à-dire où les personnes, les organisations qui sont là, appliquent leurs droits, ceux qui leur semblent bons. Alors, après, ça dépend, si les gens sont sympathiques, ben, ils vont essayer d'arranger les choses, s'ils sont moins sympathiques, ben, ils les arrangent moins, ou en tout cas, ils font du népotisme, du clientélisme, toute forme de domination, qu'on voit régulièrement dans les camps de réfugiés, les camps de déplacés, qui peut être précisément violente, quoi. Et puis le troisième terme, donc, qui me semble caractériser la forme Kant, c'est l'idée d'exclusion. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que l'exception et l'extraterritorialité n'existent pas en tant que telles, comme ça, pour rien. Ça existe avec cette finalité, qui est celle de mon point de départ, comme fabrique de l'indésirable, c'est-à-dire d'exclure des gens qui ne trouvent pas leur place dans le dispositif des sociétés telles qu'elles sont aujourd'hui, quoi. Et alors ça, c'est un sujet qui est plus polémique, et puis on voit bien en Europe aujourd'hui que c'est la question, évidemment la question se pose, mais je pense qu'il se pose en général dans le monde, c'est-à-dire que on produit de l'indésirable en le criminalisant, en l'affublant de tous les qualificatifs péjoratifs, etc., parce que quelque chose fait que les États-nations, encore les États, n'arrive pas à inclure l'ensemble des populations qui existent dans le monde et qui éventuellement circulent. Et donc il y a une contradiction aujourd'hui entre la possibilité de circuler, la possibilité technique de circuler dans le monde, la profusion des crises politiques qui sont très largement des crises de la globalisation, en tout cas des crises post-guerre froide, et puis cette impossibilité des États-nations à inclure dans leur conception nationale, précisément, de l'État, l'ensemble des populations qui circulent dans le monde. Donc je pense que, effectivement, cette crise des États-nations produit de plus en plus d'indésirables ou de surnuméraires, pour le dire à la façon de Hannah Arendt, et que, finalement, la forme du camp correspond à cette population en trop, hein, pour rester dans cette idée, quoi, de surnuméraire et indésirable. Alors, il y a évidemment des nuances dans l'ouvrage. On a un chapitre seulement, mais il est très important, il pourrait y en avoir plus, sur les camps de travailleurs, hein, et notamment les camps de travailleurs au Qatar, où on a, dans un pays qui veut se lancer dans la modernité et la grande visibilité globale, on a 900 000 travailleurs étrangers qui n'ont pas de droit de circuler dans la ville. Et donc ils sont assignés à des campements ou des camps, si vous voulez. L'auteur parle de camps, là, si vous voulez, de camps de travailleurs. Et la journée est consacrée à travailler dans les entreprises de construction et vivre dans le camp. Alors ce ne sont pas des tentes, en l'occurrence. Il faudrait voir dans d'autres pays quel type de camps de travailleurs on trouve, mais là ce sont plutôt des baraquements, quoi, qui font penser un peu à des sortes de containers comme on trouve, enfin un peu élargis, quoi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces travailleurs, là en l'occurrence, les travailleurs népalais qui sont au Qatar et qui ont des contrats, on connaît plus généralement la forme de contrat de travail, le kafala, qui est une forme qui soumet le travailleur migrant à son employeur entièrement. C'est-à-dire il lui remet son passeport et le migrant a le droit de rester dans le pays, le Qatar donc en l'occurrence, pour autant que son employeur le reconnaît, donne son nom aux autorités ministères de l'Intérieur pour l'autoriser à rester. Donc le travailleur est soumis entièrement quoi, à son employeur du point de vue du travail, du contrat de travail, du point de vue du logement dans son camp et du point de vue de son autorisation à rester sur le territoire. Alors je pense que ce qui est important, beaucoup d'associations, etc., parlent de cette forme de travail comme d'un esclavage moderne, etc. On peut en parler, je pense que c'est, là encore, je pense que parler d'esclavage nous ferait penser à quelque chose qui serait résiduel alors qu'on est dans la très haute modernité avec cette forme de contrat de travail. Et il y a bien un contrat de travail, donc ça dure 2 ans ou ça dure 4 ans, mais voilà, après le travailleur s'en va, il est obligé de s'en aller, il n'a pas le droit de rester, mais il a un contrat de travail. Mais ce qui me paraît intéressant, c'est que la forme du camp est associée à cette forme de travail d'une certaine façon confinée. Donc ça veut dire que, qu'est-ce que ça veut dire de ces travailleurs-là, népalais au Qatar, comme de beaucoup d'autres qui sont dans ce genre de situation? On a effectivement besoin d'eux, mais on ne veut pas d'eux. Donc ça veut dire utile économiquement, mais indésirable socialement. Et donc le camp est la forme qui est associée à cette relation-là, à ce type de rapport. Alors voilà pour le paysage global, pour l'idée de la forme camp qui se développe, qui se réalise dans ces différentes expressions, dans ces différents types de camps. Il y a trois autres éléments pour fermer ma description, la conclure, si vous voulez, que je voudrais aborder, plutôt sous forme de questions. L'une, c'est les camps sont des espaces de frontières, c'est-à-dire qu'on voit de plus en plus, on voit le problème que posent les frontières dans le monde. On voit par exemple, là ces jours-ci, comme on l'a déjà vu ailleurs, un espace entre l'Italie et la France, vous l'avez peut-être vu si vous regardez la télévision, des migrants que l'Italie rejette et que la France ne veut pas accueillir. Pour moi, du point de vue de mes intérêts d'enquête depuis plusieurs années, je me suis dit, ça c'est une des formes qui va se développer. On pourrait presque mettre des tentes là, pour que les gens soient à l'abri, peut-être que des ONG y ont pensé et vont le faire, mais on est entre deux frontières. On est exactement entre deux frontières. Alors on croit généralement que la frontière est un lieu qu'on franchit, c'est une ligne. On est là, on est passé de l'autre côté, on est dans un autre pays, dans une autre ville, dans une autre culture, dans quelque chose d'autre. On croit que la frontière est une ligne. Et là, on s'aperçoit, et on a l'image, je trouve, parfaite, que la frontière n'est pas une ligne, que c'est un espace. Et que cet espace, il peut être très important. Et donc, vous voyez les images là entre l'Italie et la France, avec des gens qui sont, à ce moment-là, ils ne sont plus rien, d'une certaine façon, puisqu'on ne leur reconnaît aucune, aucune catégorie, aucun statut. C'est des gens qui doivent sans doute se sentir très mal dans leur existence, parce que on peut peut-être perdre la notion de qui on est dans ces cas-là, puisqu'on est rejeté de partout. Et c'est un espace qu'ils circulent, ils traversent le tunnel, ils sont rejetés, ils retournent de l'autre côté. Et il crie devant les caméras, droit de l'homme, droit de l'homme. Il crie un certain nombre de choses que je trouve tout à fait intéressantes, parce que pour moi, ça veut dire que ce sont des étrangers dont nous ne voulons rien savoir. D'une certaine façon, ils sont désidentifiés, c'est-à-dire que leur identité ne nous intéresse pas. Qui ils sont, ça, nous, le nous, je le mets entre guillemets, je veux dire les gouvernements qui représentent les sociétés qui repoussent d'un côté et de l'autre, produit une non-identité de ces gens. Et c'est à ce moment-là qu'ils sont en train de commencer à manifester. Et les images, on peut en parler, mais de mon point de vue, on a une des formes de la politique dans le fait que ces gens manifestent maintenant devant les caméras, crient très fort « droit de l'homme » par exemple, et on se dit que le mot « droit de l'homme » peut être le mot, même si les droits de l'homme n'existent pas et même s'il n'y a aucune égalité entre les humains sur la Terre, on constate que « droit de l'homme » est le mot d'un langage politique qui est celui de ces personnes qui sont rejetées par l'un et l'autre État-nation entre deux frontières. Le camp est dans la frontière, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on se trouve avec des gens quand ils sont mis dans des camps, et souvent les gens ne veulent pas être mis dans des camps, c'est important, même dans les camps humanitaires. Si les gens vont dans les camps, c'est parce qu'on dit, si vous voulez avoir de la nourriture, il faut aller dans le camp. Si vous voulez être soigné, il faut aller dans le camp. Donc ne nous trompons pas lorsqu'on dit un camp humanitaire, c'est pas la même chose qu'un camp de rétention, etc. Je sais bien que c'est pas la même chose, mais personne n'a le désir d'aller dans un camp. Donc le camp est toujours dans cet espace entre des territoires qui donne une identité aux gens qui sont dans les territoires. Et donc, dans cet espace entre deux, c'est une espèce d'espace de frontière. Dans cet espace, il y a une figure de l'étranger qui se développe, qui est l'étranger absolu, qui est l'étranger sans identité, qui est l'étranger que celui ou celle qui est établi n'a pas comment le connaître. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une question de différence culturelle qu'on accepterait ou qu'on n'accepterait pas. On est dans une organisation géo-sociale et politique dans laquelle toujours il y a un reste d'humanité, d'indésirable qui est là et qui finalement n'a aucune identité relative. Ça n'est pas un étranger relatif, comme on le dit, l'étrangeté est toujours quelque chose de relatif, je ne vous connais pas et après je vous connais, donc nous nous rapprochons et donc l'étrangeté entre nous a diminué et nous devenons plus familiers. Là non, c'est une étrangeté absolue qui est un peu, si on veut, pour avoir cette image-là, derrière un mur. La deuxième conclusion, ou deuxième idée que je voudrais vous soumettre, qui est peut-être pas facile non plus à admettre, parce que ce sont des espaces et des situations qui sont toujours assez violentes, c'est que avec le temps, avec les décennies qui passent, ce sont des espaces qui se transforment. Des gens n'ont pas choisi d'être là, des gens ont été en exil, des gens ont été relégués, mais à force de passer 10 ans, 15 ans, 20 ans dans un lieu, on finit par s'y attacher, on finit par le transformer, on finit par l'habiter, comme disent les anthropologues et les philosophes, on habite les lieux. Habiter les lieux, c'est s'y investir, c'est le rendre un peu familier. Donc, si vous voyez des camps palestiniens des premières années, vous verrez qu'ils sont complètement différents de ce qu'ils sont devenus maintenant. Pendant environ 5 ans, 6 ans, les camps palestiniens, dans les pays du Proche-Orient où ils se trouvaient, étaient des tentes et les gens étaient supposés repartir. Et ils attendaient de repartir dans les semaines qui suivaient, dans les mois qui suivaient, etc. Au bout d'un moment, ils se sont rendus compte que ils n'allaient pas repartir, donc ils ont voulu construire en dur, ils ont demandé l'autorisation de construire en dur, ils ont commencé à construire, il y a eu un module comme ça, enfin bon, on ne va pas refaire toute l'histoire, mais il y a pratiquement une histoire architecturale du camp qui s'est transformée. Et puis maintenant, vous avez des camps palestiniens qui sont des sortes de ghettos parce que le camp ne s'est pas développé spatialement, il est toujours resté dans son espace, mais il s'est développé verticalement et des gens, bon, on construit, bon, un peu comme dans les quartiers populaires d'Amérique latine ou d'Afrique, où on a construit un étage, et puis un autre étage, et puis un autre étage pour la famille, pour les enfants, pour les cousins, etc. Et donc, après, il y a des gens qui ont sous-loué des espaces, etc. Donc, il y a un phénomène d'urbanisation qui s'est passé. Moi, il m'a semblé que ce phénomène d'urbanisation, on le trouvait aussi, aussi bien en Afrique, dans des camps de réfugiés, même si là, le côté dur, quoi, si vous voulez, le construit, bâti de l'urbanisation était moins évident que ce qui peut être dans les camps palestiniens. Mais on a une urbanisation, c'est-à-dire que dans certains camps de réfugiés ou des camps de déplacés internes en Afrique, vous ne faites plus la différence entre ce qui relève d'un tissu urbain périphérique pauvre et de ce qui relève d'un, d'un camp. Et donc ça crée un attachement et on peut dire une forme de socialisation, une forme d'urbanisation qui est créée par ce type de violence originelle, on peut dire, de violence qui crée l'espace et qui, cependant, donne lieu à toute une histoire... une forme de socialisation, de transformation de l'espace, qui fait que ces lieux se sont finalement transformés. Et puis la troisième idée, qui est peut-être aussi contre-intuitive, comme on dit, c'est que je crois que dans ces lieux-là, mais peut-être que là on peut généraliser à tous les migrants, réfugiés, etc., qui circulent, parce qu'on peut circuler d'un camp à un autre, etc., mais dans tous ces lieux-là, il y a un espèce de cosmopolitisme qui se développe, c'est-à-dire que les gens sont bien obligés d'apprendre plusieurs langues, même s'ils ne les avaient pas d'abord apprises. Ils sont bien obligés d'avoir affaire à des étrangers, par exemple dans les organisations internationales, les ONG, ils voient des Blancs qui viennent de France, qui viennent des États-Unis, etc., qui leur développe des idées qui ne sont avec lesquelles ils se confrontent, avec lesquelles ils discutent, et ils découvrent le monde, si on peut dire. Ils découvrent d'autres langages, d'autres groupes ethniques voisins que le leur, avec lesquels ils peuvent être en conflit, mais pas forcément sur le camp de réfugiés lui-même. Ils apprennent d'autres manières d'habiter, d'autres manières de se nourrir, d'organiser la vie quotidienne. Et ça forme quelque chose qui est une sorte de cosmopolitisme ordinaire, de cosmopolitisme de tous les jours, qui les marque, même si après ils vont retourner dans leur pays, ou bien ils vont s'installer dans le pays, ou bien s'installer dans un pays tiers, comme on dit dans le langage des Nations Unies, un pays tiers qui n'est ni leur pays d'origine, ni le pays dans lequel se trouve leur camp de réfugiés, mais un troisième pays, que ce soit en Europe ou aux États-Unis ou ailleurs, qui sera là aussi une épreuve de passage de frontières particulièrement éprouvant, difficile. Donc voilà un peu les trois questions, en tout cas, avec lesquelles je voudrais terminer cette réflexion sur les camps. L'étranger absolu, l'urbanisation de ces espaces, et puis une espèce de cosmopolitisme ordinaire qui se développe. Et voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci. Bonsoir à tous. Animateur. J'ai joué ce rôle qui n'est pas facile, hein, de sorte d'ambianceur, comme on dit dans la musique zaldoroise, de chauffer la salle pour que les gens aussi viennent poser des questions, voilà, donc servir de relais d'une certaine manière, et puis je vais d'abord me déplacer pour passer le micro. Alors peut-être dire deux mots, d'abord remercier Bénédicte donc, de m'avoir un petit peu invité en passant dans un emploi de la MSH la semaine dernière, et puis aussi peut-être dire d'où je parle, hein, et pourquoi elle m'a invité. Voilà, alors vous le savez pour certains d'entre vous, puisqu'on a été sur les mêmes terrains, c'est le cas de le dire, d'où je parle, d'abord, ou d'où je parle des camps, finalement, quelle expérience des camps j'ai. Voilà, c'est d'abord évidemment une expérience tourangelle, hein, avec des familles... d'ex-Yougoslavie qui avait établi une sorte de, de camps frontières, on va dire comme ça, refuges, sur, pas très loin d'ici, hein, sur les rives du Cher, donc une sorte de campement par défaut, campement de survie, si tu veux, dans un premier temps, et puis, après intervention des élus, des associations, etc., création d'un camp institué qui s'est voulu une sorte de structure d'urgence, d'hébergement, hein, donc temporaire, fondamental, et puis aussi d'insertion, même si on ne savait pas trop ce que ça allait donner au départ. Donc voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'après cette expérience politique, d'une certaine manière, je me suis engagé dans une recherche sur les villages d'insertion. Village, parce qu'on ne parle jamais de camp, évidemment, hein, ça fait partie de ces mots malades, hein, comme on le dit même dans l'administration, hein. Le camp et la cité de transit, c'est des mots qu'il faut absolument éviter. Donc j'ai le village d'insertion d'Europe, c'est comme ça que ça s'appelait, hein, donc dans le langage administratif, c'est donc pas un vocabulaire savant, ou une expression savante, ou que j'aurais éventuellement inventé, hein, que je cite ici, mais c'est bien le vocabulaire de l'administration. Donc des villages d'insertion de Rome construits par l'État et par les collectivités locales, justement, pour loger une partie des indésirables qui habitaient les bidonvilles qui s'étaient développées aux portes de Paris. Donc ce qui m'intéressait, c'est la construction des politiques locales, le bricolage de ces villages d'insertion qui étaient des camps, mais des camps provisoires, des camps qui étaient peut-être à l'écart, mais qui voulait être surtout et avant tout, y compris dans l'esprit de leurs fabricants, d'une certaine manière, de leurs promoteurs, eh bien, des sas entre le bidonville et puis la ville, tout simplement. Voilà, donc c'est un petit peu de là que je parle, hein, sachant que je ne suis pas spécialiste, comme le disait Bénédicte, de la question Rome, parce que c'est un petit peu ce que j'avais essayé de défendre ici, à l'Université populaire, parce que j'avais essayé de montrer justement que la question Rome, ça n'existait pas. Hein, plutôt que ça n'existait que dans les débats et les controverses, hein, dans des jeux de langage, hein, finalement, hein, qui opposent ceux qui ont le pouvoir de nommer, hein, c'est-à-dire généralement pas des Roms, effectivement, mais plutôt des acteurs, des décideurs politiques, des médias, des experts, quelques intellectuels, voilà, ceux qu'on a le pouvoir de nommer, hein, qui peuvent les Roms, hein, et voilà, mais des jeux de langage qui ont des effets certains, hein, sur les personnes qui sont visées. Donc ça, c'était une petite précision. Donc je vais commencer à peut-être me déplacer dans la salle, et peut-être avant cela, me poser juste une question pour lancer l'affaire, hein, une question... À t'entendre et à te lire, j'ai l'impression que ce que tu décris, c'est un monde de camps, finalement, un monde de camps où des gens sont indésirables, vivent à l'écart et au mieux, je te cite, circulent entre les camps. Et j'ai l'impression que dans le camp on entre, du camp on sort, et que ces gens finalement sont aussi vivent aussi en dehors du camp, c'est-à-dire ont des pratiques urbaines, etc. Et justement, peut-être que justement, ce que j'aimerais savoir, c'est ce qui se passe finalement, quel rapport se construit entre le camp et la ville dans les pratiques, quelles pratiques finalement de la ville et des espaces hors camp ont les gens des camps. Donc, question toute simple, mais qui s'inscrit aussi à la suite de ce que j'avais pu lire de tes travaux sur les bidonvilles et les favelas, qui est que à partir de ces endroits de non-ville, d'une certaine manière, eh bien, se construit une ville réelle, une ville des pratiques sociales, hein, qui relie fortement, hein, les habitants de ces zones de relégation, finalement, eh bien, au reste de la cité, d'une certaine manière. Et je vais commencer à me déplacer. Merci. Merci pour ta question. Elle est effectivement complexe, parce qu'après ça dépend un petit peu des différents types de camps qu'on parle. Donc je crois que on a selon les pays et selon les situations, on a des camps, en général des camps de déplacés internes qui sont plus facilement établis dans la périphérie des villes, et je pense là aux villes de Khartoum, Freetown ou Monrovia, qui ont connu chacune à l'occasion des différentes guerres qui ont eu lieu une urbanisation massive dans des camps déplacés à la périphérie des capitales. Et puis avec le temps, effectivement, ces camps de déplacés internes sont devenus ou se sont pratiquement fondus avec le tissu urbain. Dans l'ouvrage, il y a une enquête qui est présentée sur les camps déplacés de Khartoum, et c'est vrai que ces dernières années, donc on est dans le Nord-Soudan, ces dernières années, la tendance a été d'intégrer les déplacés internes des camps déplacés dans le tissu urbain, notamment parce que c'est un peu la clé, c'est d'une part bon, ouvrir les espaces et puis surtout donner un accès à la propriété de son habitation aux gens qui sont là. Donc on a quelque chose qui a pu être fait et qui relève de l'urbanisation par la guerre, quoi, en gros, dans le cas du Soudan et de Khartoum. Sachant que aussi à la même époque, en prévision de la partition du Soudan, des Sud-Soudanais sont repartis de Khartoum vers le sud. Mais donc là, on a eu une fantastique croissance urbaine par les camps de déplacés qui se sont en gros intégrés au tissu urbain. Ça n'a pas été tout à fait le cas à Monrovia, où là les camps de déplacés internes étaient un peu plus loin de la ville. Et surtout, les mêmes lieux ont servi de camp déplacé interne pour les Libériens qui venaient du nord et de camp de réfugiés pour les Sierra Leonais qui traversaient la frontière. Et donc, on a eu plutôt une spécialisation de ces espaces dans l'accueil quoi, des populations en fuite quoi, de ces différentes guerres. Qui fait qu'il y a eu un développement à part, il y a eu une urbanisation propre, parce que c'est l'autre mouvement qui se passe. Soit tu as une intégration dans le tissu urbain quand tu es dans la périphérie urbaine, soit tu as un développement qui peut se faire mais qui ne se fait pas toujours, je vais juste revenir là-dessus après, un développement qui peut se faire de ces lieux eux-mêmes lorsqu'ils sont isolés et lorsque, par la présence des gens qui sont là, d'une certaine quantité de personnes qui sont là, par la présence des moyens fournis par les organisations internationales et d'une petite économie de survie quoi, qui se développe, on a quelque chose comme des villes-camps, comme j'ai plutôt développé l'idée non pas de ville, mais de villes-camps, d'urbanisation inachevée qui se développe, encore plus dans le cas où des camps sont faits dans des lieux complètement isolés, des déserts, comme le camp de Dadaab au Kenya, ou des forêts, comme dans certaines régions de la Guinée forestière. Souvent, les organisations internationales ou nationales qui sont à l'origine de la création des camps, lorsqu'ils veulent rejeter ensuite les réfugiés ou les déplacés qui sont là, peuvent détruire les camps. Et donc on a vu ça... On a vu ça au Libéria en particulier, où il y a des gens qui sont établis, qui veulent rester là à un moment donné, qui veulent s'intégrer, s'insérer, tout ce qu'on voudra, mais pour des raisons politiques diverses, les organisations, et même le HCR en l'occurrence, détruisent les espaces, détruisent les cabanes, les cases, etc., qui ont été construites par les réfugiés et les déplacés. Oui, la réflexion que vous invitez à faire, me semble-t-il, devrait mettre l'accent sur quelque chose qui est capital au niveau de l'exclusion, c'est la sous-humanisation. Je dis bien sous-humanisation et pas sous-humanité. Hein. C'est toute la différence entre les camps qu'on a vécu au début du XXe siècle et les camps actuels. Hein. Donc, ce qui me paraît important comme commun dénominateur de tout ce que vous avez évoqué, y compris les gens qui vivent sous le métro aérien, bon, ce qui est commun à tout cela, me semble-t-il, ce sont des camps périphériques de sous-humanisation. Et je pense que le terme de sous-humanisation devrait être mis en avant pour bien montrer que c'est la mondialisation qui crée une sous-humanité particulière, un paupérisme particulier, qui n'a rien à voir avec un problème génétique comme c'était le cas au début du XXe siècle, et un peu plus tard, mais qui a tout à voir avec cette exclusion économique, militaro-économique que nous vivons aujourd'hui, que vous avez parfaitement évoquée. Donc je pense qu'il faudrait, d'un point de vue d'anthropologue, mettre bien l'accent sur cette sous-humanisation. Oui, je suis tout à fait d'accord aussi pour dire qu'il y a une guerre des images dans tout ça, et je m'étais un petit peu élevé récemment, et puis je continue à le faire, et puisque vous dites, me confirme qu'il faut que je continue, un petit peu élevé contre la profusion de ces images qu'on voit, de gens qui... d'images de gens qui sont, on l'a vu à propos de ce qui se passe en Méditerranée, on l'a vu avec les images de l'évacuation de la chapelle, on l'a vu avec les images aussi des bateaux de réfugiés birmans, certaines images où l'on voit des gens qui sont effectivement dans une espèce de demi-humanité, une souffrance extrême, en train de recevoir de la nourriture du ciel parce qu'on leur envoie ça depuis des hélicoptères et qui se battent pour un morceau de je sais pas quoi. Et il y a une espèce d'obscénité dans la diffusion de ces images-là. Cette série d'images-là, on peut dire qu'elles sont très belles, comme les images de Sébastien Salgado sur les camps de réfugiés, on peut dire que ce sont des très belles images, mais précisément c'est des images, je crois, qui nous mettent en scène quelque chose qui est inférieur en humanité. Et on a pu dire à un moment donné, quand on commençait à les voir, on disait c'est insupportable, c'est indicible, c'est innommable, etc. On n'entend plus, plus ces commentaires-là. Maintenant, finalement, ce sont des choses qu'on peut voir, qu'on voit régulièrement, et qui, pour moi, sont réellement choquantes, parce que les gens qui sont là, c'est un peu comme si je les connaissais. En tout cas, j'en ai connu d'autres qui sont ailleurs, dans d'autres points. Et ce sont des gens qui sont et qui se représentent eux-mêmes comme héroïques, courageux, extrêmement courageux. Traverser toutes ces épreuves, il faut être réellement doté d'une énergie incroyable, d'une capacité de survie, je ne vais pas tomber dans l'autre panneau, mais pratiquement surhumaine. En tout cas, il y a une sélection naturelle, pour être cynique, qui se fait et qui fait que tous les gens qu'on voit là et qui sont encore en vie sont des gens qui sont d'une incroyable énergie et d'un incroyable courage. Et chez eux, dans leur famille, etc., on les considère comme des héros. Donc ces images qu'on représente d'eux, effectivement, de sous-humanité, participent quoi, un petit peu de cette figure de l'étranger absolu. Il n'a pas une ethnie, il n'a pas une culture, il n'a pas quelque chose, il est inférieur en humanité. Sous-humanisation. On est bien d'accord. Oui. Oui, j'ai beaucoup appris en vous écoutant. J'étais très étonnée de savoir qu'il y avait tant de gens, tant de personnes dans des camps. Hein. 18 millions, c'est énorme. Et j'ai une question pour les trois types de camps, peut-être plus pour les deux premiers types, mais vous nous décrivez les nouveaux damnés de la Terre, en quelque sorte. Et je voulais savoir si dans ces camps, notamment les deux premières catégories, où il doit pénétrer les nouvelles technologies de l'information, de la communication, etc., s'il y avait, des réflexes, nous ne sommes rien, soyons tout, n'allons pas jusque-là, mais s'il y avait quand même des prémices d'organisation, de réflexion, de solidarité diverses et variées, pour changer, pour améliorer, pour aller vers autre chose. Il y a deux aspects, j'en remercie, deux aspects que je voudrais renforcer un peu. Les technologies de l'information, c'est très important parce que effectivement, les téléphones portables, ça on le sait, c'est l'outil de survie absolument indispensable qui circule chez les migrants, chez les réfugiés, chez tous les gens qui ont besoin de communiquer. Et donc, il y a une communication qui s'établit. Moi, j'avais, en travaillant sur les circulations des migrants, principalement en Europe, on avait fait notre enquête en Grèce, en Italie, à Calais et à Paris, on s'était rendu compte que les gens n'étaient pas du tout organisés, comme on le dit souvent, en diaspora, grande organisation à je ne sais combien, avec les passeurs, etc. Les passeurs, il y en a, c'est toujours des personnalités locales qui ont autour d'eux des gens qui ont affaire à eux, mais ce n'est pas des grands réseaux internationaux, etc. En revanche, il y a quelque chose que j'ai appelé un terme que les géographes apprécieront, un réseau de lieux, c'est-à-dire un réseau de lieux, c'est-à-dire les gens reconnaissent leur parcours parce qu'ils connaissent un certain nombre de lieux dans un ensemble qui est plutôt de l'errance. C'est-à-dire que même les gens veulent fuir un endroit et veulent aller ailleurs, c'est assez vague. En revanche, on sait qu'il y a, la ville de Zaïdan qui est entre Afghanistan, Pakistan, Iran, où là il y a des campements où on peut se mettre, il y a la ville de Patras où il y a un campement, il y a la banlieue de Rome où il y a des squats, à Rome on sait qu'il y a la gare de l'Est, à Rome on sait qu'il y a Noranfonte, le petit village où les gens ne sont pas rejetés à coups de pierre, mais relativement bien accueillis et peuvent établir un campement, et dans la banlieue de Rome j'ai entendu parler de Noranfonte, si vous voulez. Et donc là c'est le... Effectivement, il y a une information qui circule sur les lieux où on peut aller avec un peu de sécurité, quoi. L'autre chose, alors c'est tout un autre domaine sur l'organisation de solidarité ou d'action politique. Donc, moi, je me suis beaucoup intéressé dans toute la période où j'ai mené des enquêtes de terrain dans des camps de réfugiés proprement dits, les camps humanitaires, les camps dits humanitaires, si on veut, les réfugiés reconnus par le HCR, etc., avec ces très grands camps. Je me suis intéressé à des situations où on sortait un peu du consensus, où tout le monde disait « ici, il n'y a rien à dire », un petit peu circulé, « il n'y a rien à dire », on s'occupe des victimes. Voilà, ça c'est un petit peu le leitmotiv quand même de humanitaire, sécuritaire. Je m'étais intéressé à justement voir émerger certaines actions. Et en réalité, il y en a beaucoup. C'est-à-dire, en réalité, il y a sans arrêt des conflits dans les camps de réfugiés. Il y en a sans arrêt. Il y a des gens qui veulent, par exemple, être représentés par telle ou telle personne au comité d'organisation du camp et qui protestent contre le HCR ou contre l'ONG qui dirige le camp parce que les réfugiés ne sont pas représentés, par exemple. Ou bien on leur fait un comité de réfugiés mais personne ne les écoute, enfin, etc. Ou bien des gens qui organisent des manifestations lorsqu'il y a un officiel du HCR qui arrive, qui a une ou ce que j'ai pu voir en Guinée, des réfugiés qui séquestrent des gens d'une organisation internationale parce qu'on refuse de leur donner des bâches plastiques pour protéger leur case à un moment où c'est la saison des pluies. Et donc, à force de demander, elles en ont assez, donc elles séquestrent, elles prennent comme ça pendant toute une journée des travailleurs humanitaires qui ne comprennent pas ce qui arrive, qui disent « mais non, nous on est là pour s'occuper de vous ». Alors on dit « alors donnez-nous nos tentes, donnez-nous nos bâches plastifiées », à quoi les humanitaires répondent « mais non, c'est pas nous, c'est une autre organisation qui s'en occupe ». Et là, les gens disent « mais nous, pour nous, c'est que vous êtes tous pareils, vous êtes tous des UN ». Les UN, les Nations Unies, et vous allez nous donner nos bâches plastifiées. Et elles réussissent au bout d'une journée où elles tiennent séquestrées les deux ou trois travailleurs humanitaires qui circulaient dans leur voiture 4x4, etc. Elles réussissent à avoir leur bâche plastifiée. Voilà, donc des événements comme ça, des événements comme ça, il y en a sans arrêt en réalité. Des réfugiés qui reçoivent des représentants du HCR à coup de pierre parce que le HCR vient pour faire la liste nominale de tous les gens qui vont être renvoyés au Libéria, par exemple, alors qu'ils sont réfugiés en Guinée et qui savent très bien qu'ils ont perdu leur terre, ils ont perdu leur maison, ils ont tout perdu, et donc le HCR va les renvoyer, les amener dans un camp de retour, dans les camps de retournée, et là ils n'auront rien et ils auront... On leur dit, maintenant vous pouvez retourner chez vous, et chez eux il n'y aura plus rien, quoi. Et donc à ce moment-là, les réfugiés qui se trouvent en camp en Guinée reçoivent les représentants du HCR à coups de pierre et les font partir, ce qui fait que le HCR fait des grandes déclarations en disant les réfugiés sont nos ennemis, enfin bon, etc. Et donc il y a ce dissensus est plutôt la réalité des camps qui sont des lieux d'assez grandes tensions. Excusez-moi, je commence par vous dire, c'est pas bien. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce qu'on pourrait considérer comme la tension ou la contradiction apparente, ou enfin, que je trouve personnellement assez perverse, entre le politique et l'humanitaire? Je pense en particulier à ce qui est en train de se passer, semble-t-il, et je me fie à l'interview que vous avez donnée récemment pour Calais, sur Calais, où l'État fabrique en quelque sorte des lieux de regroupement pour les exilés, c'est ainsi qu'il s'appelle, les exilés de Calais, où les conditions de survie tellement épouvantables que, bon, un certain nombre d'associations se disent pas possible, on ne peut pas les laisser comme ça, etc. Et où, bon, ce qu'on sent venir, c'est que ce sont des associations à qui on va confier la gestion humanitaire. C'est-à-dire que c'est une question éminemment politique qui est celle du franchissement des frontières et de l'asile est en train, à Calais, de se transformer en gestion humanitaire d'un camp. Est-ce que vous pouvez développer ce point, parce que je pense que là-dessus, votre expérience de la multiplicité des camps peut nous éclairer. Merci. Je vous remercie. Oui, j'avais été invité à aller voir ce qui se passait à Calais la semaine dernière, donc c'est tout chaud. Voilà. Et je dois dire que j'étais un peu troublé par le fait effectivement que nous n'étions plus dans le cadre d'une solidarité associative donnée par les habitants ou les associations de Calais qui aident des étrangers à s'installer dans des squats ou à s'installer dans des campements, etc. Il y a eu, avec la participation, alors là c'est compliqué, je suis tout à fait prêt à parler avec les gens d'associations qui travaillent dans ce domaine-là, mais c'est quelque chose d'assez compliqué. Il y a eu, avec la participation d'un certain nombre d'associations de Calais qui voulaient ne pas perdre la main, qui voulaient rester près des migrants qu'ils connaissaient personnellement, et ça c'est très important, parce que la solidarité, l'hospitalité passe par une relation sociale, une relation personnelle. Donc ils ont voulu les aider à faire ce qui ne voulait pas se dire officiellement être une expulsion, mais un déménagement, et donc ça a été officiellement quelque chose comme un transfert ou un déménagement. Moyennant quoi, tout le monde, ou à peu près tout le monde, a été regroupé dans quelque chose qui, à mes yeux, et justement avec l'expérience que j'ai d'autres situations, est exactement un camp de regroupement. Et non pas un camp de réfugiés, parce que là, on commence à entendre, et vous allez l'entendre de plus en plus, je suis prêt à le parier, on va entendre parler, ah, maintenant on va faire des camps de réfugiés en France. Des gens vont s'élever en disant non, c'est une honte, des camps de réfugiés en France, et d'autres vont dire, oh, ben, c'est quand même pas si mal que ça, parce que on va soigner, on va s'occuper de manière humanitaire des camps de réfugiés. La différence, cette discussion-là, elle est intéressante, mais la différence, c'est que les gens qui sont là ne sont pas réfugiés. Ce sont des migrants qui, pour la plupart, sont en attente de réponse à leur demande d'asile, sont en attente de pouvoir déposer une demande d'asile, ou sont en transit, comme le cas des Syriens, par exemple, qui n'ont pas l'intention de rester en France et qui visent plutôt aller vers l'Europe du Nord ou la Grande-Bretagne. Donc ce sont des gens qu'on immobilise, et c'est ça qui est intéressant, ce sont des gens qu'on immobilise, qu'on regroupe et qu'on immobilise. Alors ça a deux effets, le regroupement, ça crée une masse, 3000 personnes, il paraît, d'après ce que m'ont dit les gens de l'association, qu'on devrait arriver d'ici le mois de juillet, donc dans le mois qui vient, on devrait arriver à 5000 personnes. On est déjà dans la taille qui n'est plus la taille des associations et la taille d'une relation personnelle avec des gens. Donc ça, on a pu le voir, j'ai pu le voir parce que les associations qui était celle qui, jusqu'à présent, faisait le lien avec les migrants, sont débordées. Elles sont même, on ne souhaite plus qu'elles soient là, parce que dans le dispositif tel qu'il est en train de se faire, il y a effectivement un emplacement qui a été établi, des gens qui ont des tentes ou des baraques qui ont été construites avec l'aide de certaines de ces associations, comme je disais au début, mais où maintenant, bon, toutes ces associations sont effectivement débordées. Donc les gens sont là, il y a des conditions sanitaires, humanitaires qui sont déplorables, il y a un centre de service, le centre dit d'accueil de jour, Jules Ferry, où il y a 4 douches pour 3000 personnes, donc des gens qui font la queue, qui ont le droit à rester 4 minutes sous l'eau, etc. Et donc ça tourne comme ça toute la journée. 10 distributions de nourriture, etc. Mais les associations qui avaient l'habitude de faire leur distribution à 40 ou 50 personnes, elles arrivent là avec leur sac de pain, elles sont débordées, elles ne peuvent plus distribuer. Donc elles commencent, elles voient qu'il y a trop de monde, elles sont débordées. Et qu'est-ce qui se passe ? L'association qui a été le relais choisi par, désigné par la préfecture, fait fonction un petit peu de coordination du lieu et appelle des professionnels en disant « ça ne peut plus être affaire ». Et donc, on fait appel à des professionnels, c'est-à-dire à des organisations qui vont être, bon, au final, des organisations humanitaires qui sont effectivement à peu près les mêmes que celles qui interviennent dans les camps de réfugiés, de déplacés, etc., etc. Sauf que là, on est dans un camp de regroupement. Ça, pour moi, c'est important de le signaler, parce que c'est pas le même statut. Et puis, la police qui entoure le camp. Le camp se trouve à côté de l'autoroute qui donne sur le port d'accès aux bateaux qui vont en Angleterre. Il y a déjà une barrière de 3 mètres qui a été faite d'un côté. La barrière de 3 mètres, elle est en train d'être faite de l'autre côté, justement du côté où il y a le camp. Donc il va y avoir cette barrière du côté du camp, et la police est aux 3 routes d'accès au camp. Si ça, c'est pas un dispositif sécuritaire, je ne sais pas ce que c'est, mais les gens qui sont là n'ont pas le choix. Ils sont à 7 km de Calais, ça veut dire qu'on a coupé le lien entre les migrants et la ville. Pour une ville qui est une ville-port, une ville-frontière, depuis très longtemps, les gens la ville a l'habitude d'avoir des gens qui passent, d'avoir des gens qui vont au port, qui vont à la frontière. Et donc ces associations de solidarité, d'hospitalité, elles se trouvent de fait un peu piégées par ce dispositif-là. Et là, nous on a vu d'ailleurs, quand j'étais donc la semaine dernière, on a même vu des jeunes gens qui venaient s'embaucher parce qu'on embauche 30, d'un coup, 30 CDD d'agents de service pour faire la distribution de la nourriture, le nettoyage des salles, les douches, la distribution, etc. Alors que les gens des associations qui sont là, par exemple pour la distribution de pain, d'une part ils sont débordés, il y avait trop de monde, et d'autre part ils commencent à avoir peur parce qu'il y a trop de monde, donc ils ont peur d'aller de l'autre côté du camp. Et on en avait parlé avec des gens, parce que là il y avait des gens qui étaient venus recevoir le pain que ces associations là distribuaient. Puis après, on en a parlé, et puis elles nous ont dit, c'était des dames qui nous ont dit, ben non, on n'est pas allé de l'autre côté là-bas, parce qu'on avait peur d'aller là-bas, finalement. Il y avait trop de monde. Et on change de taille, c'est-à-dire on passe des petits campements avec des squats à un camp. Et là, avec de la police autour, avec des barrières, et il y a même des gens des associations qui ne peuvent plus entrer, il faut qu'ils demandent l'autorisation. Et on leur dit, ben, qu'est-ce que vous venez faire là, pourquoi, comment, etc. Alors que c'est elles qui, depuis des années, font des actions de solidarité avec les campements, et là ils ne peuvent plus entrer dans la zone du centre de service pour les migrants. Donc là effectivement il y a un espace, moi je dirais ce qui est en train de se former là en dehors de Calais, donc on va dire à Calais, à 7 km de Calais, c'est un camp de regroupement sécuritaire humanitaire. Et c'est des formules qu'on trouve ailleurs, hein. La maire de Calais, elle cite souvent le modèle australien. Le modèle australien, c'est effectivement, on met les demandeurs d'asile, les migrants, etc., dans des îles qui sont à l'extérieur de l'Australie. On ne les voit pas et ils sont tenus comme ça à l'écart. Pardon, c'est un peu un changement de sujet. D'un point de vue un peu plus général, vous aviez l'air de dire que l'indésirable et le surnuméraire avaient l'air d'être une conséquence inévitable de l'État-nation. Et est-ce que c'est vraiment inévitable? Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose dans l'État-nation qui ne tient que parce qu'on a un bouc émissaire, on a un exclu ou quelque chose comme ça? Et ensuite, vous parlez de la mondialisation qui est en train de recommencer comme si les deux allaient ensemble. Est-ce que vous pourriez creuser ce point, s'il vous plaît? Merci. Je vous remercie. Je ne sais pas si c'est absolument inévitable, mais il me semble que le nationalisme de l'État-nation produit une violence sur ceux qui l'excluent. Et on le voit dans les deux sens, c'est-à-dire dans les lieux de départ, des gens qui sont exclus par une guerre ou je ne sais quoi, qui a toujours des enjeux territoriaux, quoi, où les gens arrivent dans un autre lieu, on leur dit « ce lieu-là n'est pas votre lieu légitime, vous devez partir », par exemple. Et donc ils n'arrivent jamais à s'établir quelque part. Et par ailleurs, la fabrication de nouveaux États-nations, comme on a aussi avec les phénomènes, que ce soit les Balkans ou certains pays en Afrique, le Soudan par exemple, vous voyez, le Soudan, les Balkans, quand on fabrique de nouveaux États-nations, on fabrique de nouveaux exilés, c'est-à-dire qu'on fabrique toujours des populations en reste quand on refabrique, quand on redéfinit un état de nation. Ce qui me dérange, moi, dans l'état de nation, c'est le terme nation. Alors, c'est pas la forme de l'État, parce que je pense que la forme de l'État est une forme sociale, avec une forme politique qui est la plus logique pour prendre en charge notre volonté de représentation politique et notre prise en charge sociale, l'état social et l'état politique, enfin la citoyenneté sociale et la citoyenneté politique, quelque chose qui me semble indispensable à nos existences. Ce qui est plus discutable, c'est le caractère national de l'État, nécessairement national, la définition nationale de l'État. Et là, si vous voulez, c'est un peu compliqué, mais la multiplication des petits États, par exemple, multiplie des États nationaux, et donc multiplie des gens en trop. On a encore plus de gens en trop parce qu'ils n'entreront pas dans la définition nationale de l'État-nation qui va se produire. Donc moi je crois qu'effectivement le problème, c'est que, sachant que tout cela se développe dans un cadre technologique en expansion extraordinaire, comme vous avez pu voir, l'industrie aéronautique est la plus florissante de toutes les industries. Les capacités de transport à l'échelle mondiale deviennent sans commune mesure avec ce qu'elles ont été il y a ne serait-ce que 20 ans, par exemple. On peut se déplacer avec beaucoup plus de facilité, beaucoup plus de rapidité, pour relativement moins cher, d'un bout à l'autre de la planète. Nous en bénéficions, d'autres n'en bénéficient pas, donc on n'a pas. Il est logique que la question de la mobilité, que la question de la possibilité de s'établir dans d'autres lieux que ces lieux de naissance, vienne logiquement avec ce développement des technologies qui nous fait appréhender l'échelle mondiale comme une échelle de vie possible, et le développement des crises politiques qui alimentent sans cesse le départ de personnes, parce qu'on considère qu'elles ne sont pas légitimement chez elles. Donc on a une contradiction comme ça assez forte, quoi, entre ce développement de la possibilité de se déplacer, de la possibilité des mobilités à l'échelle mondiale, et la difficulté inhérente, à mon sens, à ce qui me semble être une crise des États-nations, qui produit sans arrêt ces barrières, ces frontières, ces camps, etc. Ce qui est en crise, ce n'est pas l'immigration. On n'est pas dans une crise migratoire aujourd'hui, on est dans une crise des États-nations. Et c'est ça qui me semble être un petit peu la clé de des problèmes qu'on a en ce moment dans le monde, c'est pas seulement en Europe d'ailleurs, dans le monde entier. Merci. Je suis en retard, donc je n'ai pas suivi votre exposé. Ben oui, parce qu'il fallait que je mange quand même. Bon. Mais j'ai essayé de comprendre à travers la question de quoi il s'agit. Et puis en lisant votre affiche, quand. Et je ne sais pas si vous avez pensé aux camps qui ont existé dans les années 60 en Afrique. Et si vous en avez parlé dans votre livre, je ne sais pas. Mais moi, j'ai vécu des camps dans les années 60, et notamment à Kinshasa. Eh bien, c'était surtout les Angolais. Les Angolais qui étaient en plein cœur pour la décolonisation. Et ils étaient venus, la plupart, à Kinshasa. Et il y avait des camps et qui n'avaient pas pour moi, peut-être parce que j'étais enfant, une connotation péjorative. Pas du tout. Et même parfois, parmi eux, il y a des gens qui allaient avec moi à l'école. Et c'est ce que je ne sais pas. Les camps en France, je n'en connais pas. Je connais par contre les cités comme le Sanitas, qui me rappellent un peu un regroupement de gens. En venant ici, je vis la plupart des gens de chez moi, là, qui sont devant la rue, là. Ils causent, ils rigolent. Et ils sont venus comme ça aussi, hein, avec beaucoup de palbato, tout ça. Mais ils ne sont pas là pour aborder le sujet. Je ne sais pas s'ils étaient au courant ou pas. Bon. Je voulais dire donc que les camps, c'était les camps des Angolais. Il y avait des camps aussi des Congolais internes, parce qu'il y avait des guerres civiles. Et après la décolonisation. Et il y avait le camp Luka, bon, qui n'était pas luxueux, mais c'est ce genre qui était avec moi à l'école, pour certains d'entre eux. Et puis, la question qui était posée, comment ils vivaient dans l'espace? Eh bien, je me demande si les Africains n'ont pas de leçons à donner parfois au reste du monde. Et on n'avait pas d'ONG. Il n'y avait pas d'organisation non gouvernementale, il n'y avait pas d'association pour s'occuper de ces gens-là. Ils étaient là, c'était le gouvernement qui avait donné de l'espace, ils étaient là. Il n'y avait pas de policiers autour d'eux. Et il y en a qui sont mariés avec nous, et pas avec moi, mais avec d'autres. Ils ont eu des enfants, et il y en a qui sont devenus des grands joueurs de football, et des Angolais surtout, et des grands musiciens. Et il y en avait plein, ils vivaient avec nous. Ils vivaient avec nous, il y a eu possibilité de s'intégrer. Et même parfois il y a des préjugés, mais des préjugés comme il y en a partout, hein, les Corses, les Bretons, tout ça. Mais ce n'était pas grave. Et alors ici, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe en Europe? On ne veut pas nous laisser nous marier avec vous, tout ça. De jouer au football, aller à l'école avec vos enfants. Mais qu'est-ce qui se passe donc? Est-ce que c'est le prolongement de ce qui s'est passé avant? C'est-à-dire l'idée qu'on s'est fait du nègre, de l'étranger depuis... Donc, tiens, hier, j'étais avec des amis de Swaziland. Il y en a qui m'ont dit, mais comment on dit étranger de ta langue? Il n'y a pas de mot étranger dans ma langue. Mopaya, c'est autre. C'est-à-dire que autre, c'était quelqu'un chez moi pour manger, il dit, j'ai Mopaya à la maison. Quelqu'un qui vient de Paris, tout ça, dit, ah, voilà un Mopaya, c'est le même terme. Est-ce que le problème n'est pas idéologique? Est-ce que le problème n'est pas d'éduquer d'abord les Occidentaux? D'autres bah, c'est à toi. Je te laisse répondre ou... Oh, je sais pas, non, je trouve que c'est... Merci pour votre intervention, mais je n'ai pas de réponse à ça. Je suis tout attentif à ce que vous dites. Vous employez le terme globalisation et peut-être pas mondialisation. Est-ce qu'on peut avoir une explication de sémantique? C'est un choix ou pas du tout? Oui, non, en général, si je l'ai fait, c'est par... Alors, il faudrait que je regarde quand est-ce que j'ai employé un terme et quand est-ce que j'ai employé l'autre. En général, j'emploie plutôt mondialisation pour pas qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. On est bien dans un phénomène mondial, c'est très concret. Quand j'emploie mondialisation, je veux dire qu'on est bien dans quelque chose de réel, une réalité sociologique, économique, politique qui prend la forme planétaire. Ça pourrait être planétarisation, si on veut. C'est ce qui est mondial, qui est à l'échelle mondiale. Globalisation, c'est un certain niveau d'abstraction, peut-être. mais c'est-à-dire que lorsque des politiques, des idées se situent plutôt à l'échelle globale, et dans ce cas, je veux dire mondiale, mais effectivement, les deux termes sont... l'un est plutôt pour le domaine des idées, des représentations, et l'autre est plutôt pour le domaine des choses concrètes, de l'organisation sociale, économique, politique. J'ai mal mon travail. J'ai plein de choses à dire. Merci. Moi, j'avais quelques remarques à faire, ou en tout cas quelques idées qui me sont parvenues. À savoir que pour moi, tout, évidemment, comme pour beaucoup de gens, le camp, c'est une réalité qui n'est pas du tout concrète, parce que c'est quelque chose qu'on imagine pas à nos portes, et pas, c'est pas une réalité concrète. Et du coup, moi, je vais juste parler de mon point de vue de quelqu'un qui s'est rendu à Calais et qui a pu voir effectivement un dispositif politique et policier assez incroyable, en fait. Et que dans toute votre intervention, qui était vraiment très intéressante, moi, ce qui me questionne, c'est que vous parlez du nationalisme et que vous dénoncez à juste titre, mais en fait, aussi, il faudrait quand même mettre vraiment appeler un chat, en fait, la France, le gouvernement français commet des actes illégaux, et parmi lesquels des arrestations illégales, des expulsions illégales et du délit de faciès. Ne respecte pas ses engagements envers les réfugiés par rapport à la Convention de Genève. Et que voilà, c'est très surprenant quand on entend votre exposé et toutes les interventions qui ont suivi, c'est de dire en fait, on est dans un monde quand même où cohabite, en tout cas dans notre pays, cohabite le HCR et à la fois Frontex. Et que Frontex, c'est quand même un dispositif international, en tout cas interétatique. De répression, eh bien, et on pourrait en parler très longuement aussi, de savoir que signifie cette cohabitation et tout ce dispositif sécuritaire qui, à mon sens, en tout cas, fait vachement écho à ce que vient de nous dire monsieur là, sur les réfugiés angolais et qu'on aurait beaucoup à en apprendre. Voilà. Merci. Oui, je remercie, ça me permet de faire un commentaire aussi avec ce qui a été dit avant, c'est-à-dire que je pense que, et pour revenir à Calais, si vous évoquez Calais, vous êtes allé, je pense qu'il faut aller à Calais, hein, il faut y aller, il faut que plein de gens aillent à Calais, il faut ouvrir ce lieu qui est en train d'être enfermé comme un lieu de regroupement et d'enfermement d'étrangers maintenus en situation irrégulière. Donc si, voilà, comme... quand on avait lancé ce livre, j'avais dit, et ça avait été beaucoup repris, il faut dire le nom des camps de réfugiés, il faut les connaître, Dadaab, Maeba, Shatila, etc. Il faut faire la liste des noms pour les connaître, pour savoir que tout ça existe, il faut aller les voir, il faut y aller, il faut les ouvrir. Le pire de ces lieux-là, c'est d'être enfermé, c'est l'enfermement. Et là, c'est ce qui est en train de se passer exactement depuis deux mois avec le camp de regroupement qui a été fait à Calais. Pour ça que j'oppose, et votre intervention, monsieur, me permet d'insister là-dessus, ce qui est l'hospitalité et ce qui est l'hostilité. Si je peux mettre en opposition ces deux termes qui viennent d'une même racine, l'hôte. L'autre auquel, qui n'est pas un autre, l'autre qui, à qui on est hostile et l'autre envers lequel on est hospitalier. La forme que vous évoquez, qui effectivement est à l'écart, tient à l'écart les dispositifs humanitaires, sécuritaires, policiers, etc., de délimitation, voire enfermement dans un camp. Qui est, comme disait le philosophe Michel Foucault, le lieu des enfermés dehors, s'oppose complètement, radicalement à quelque chose qui est peut-être le refuge, l'abri, le campement, le squat, c'est-à-dire le lieu qu'on a pu trouver parce que des gens vous ont éventuellement accueilli. Ça peut être aussi un centre d'accueil, ça existe, les centres d'accueil. Il y a des discussions maintenant à Paris pour savoir si la mairie socialiste, qui veut se démarquer un peu du gouvernement, ferait quelque chose comme des centres d'accueil pour que les gens soient plus dignement accueillis, quel que soit leur statut juridique, leur statut légal, quoi. Et ça, voilà, on peut opposer, et il me semble que c'est très important d'opposer à chaque fois, même si parfois dans les mots et dans la description qu'on peut en faire, il y a des choses qui se ressemblent, mais il y a une opposition très forte, c'est que des gens ont choisi d'être quelque part et n'ont pas été forcés de s'y mettre, et le lieu est ouvert, il n'est pas fermé. Les gens qui sont là peuvent sortir, et les gens de la ville peuvent entrer, avoir des copains, jouer au foot, se marier, etc., etc. Et c'est là où j'oppose, si vous voulez, le camp à l'hospitalité en général. Le camp est le contraire de l'hospitalité. Le camp, qu'il soit le plus sophistiqué sur le plan humanitaire, etc., est toujours un lieu, en tout cas se définit par le fait qu'il est un lieu d'enfermement, et on le voit bien dans le cas de Calais maintenant, à la différence des campements et des squats, etc., que les associations avaient organisé avec des migrants, avec des petits groupes de migrants. Aujourd'hui, d'une part, les associations ne trouvent plus leur place dans ce système, elles n'arrivent même plus à y entrer, et d'autre part, c'est un système où on a de l'humanitaire et de la police. Effectivement, vous avez tout à fait raison, et là, qu'est-ce qu'on oppose à ça? Bon, on oppose, à mon avis, on oppose l'ouverture, la relation, les circulations, donc il faut aller à Calais. Il faut entrer dans ces lieux-là. C'est pas, après, c'est très, très, très délicat pour savoir quelle est la réponse, quoi, qu'on peut donner à ces situations. Oui. Moi, ce qui m'a frappé dans ce que vous avez dit, c'est la gestion de la déshumanisation. On a là un phénomène mondial, hein, extrêmement désagréable pour un être humain, disons, normalement constitué, qui a eu la chance d'aller de faire des études, etc., et qui est fait par des gens qui ont été formés, qui sortent des grandes écoles, qui sont présidents de la République, des rois, de tout ce que vous voudrez. Bon, cette gestion, elle rappelle en sourdine la gestion des ghettos qu'on faisait faire par des conseils juifs à l'époque. Et là, on le fait faire soit par les organisations humanitaires, parce qu'on ne veut pas faire autrement, soit par une organisation qui se mettra en place, puisque vous dites qu'on convoque des CDD ou des CDI pour faire ce genre de choses. C'est une ghettoisation, nouvelle formule, qui ne prend pas toujours le visage du camp. Par exemple, tous les exclus des logements qui ne sont pas des migrants ordinaires et qui vont camper dans telle forêt ou ailleurs, c'est encore une déshumanisation, avec une gestion souvent militaire. Alors moi, je m'interroge pour savoir si, dans cette mondialisation que nous vivons, cette gestion va s'accroître quantitativement et quelle forme elle va prendre qualitativement. Est-ce que nous allons aller vers une ghettoisation, même si nous ne prononcerons jamais le nom, ou bien, mais une ghettoisation de non intégrable, c'est pas Venise, hein, c'est pas Venise au XVIIe siècle, hein. Ou bien est-ce qu'il va y avoir une prise de conscience plus grande qui va soulever un mouvement, comme on le disait tout à l'heure. Bon, c'est cette gestion qui me gêne beaucoup. Oui, je suis d'accord. Oui, c'est quelque chose qui est... Il y a un pouvoir qui se forme dans ce gouvernement-là, dans cette... moi, j'allais appeler ça le gouvernement humanitaire pour, s'agissant des camps de réfugiés, des camps de déplacés. Plus généralement, c'est un gouvernement des indésirables. Et là encore, si vous voulez, quel que soit, et je pense, malheureusement, enfin, si on est pessimiste, on peut prévoir que la chose va se développer avec une variété de formes, effectivement, qu'on ne prévoit pas. Et que ce système de gouvernement séparé, hein, c'est un peu ça, c'est un gouvernement séparé, recréer des formes de ghettoisation. Moi, j'ai appelé ça l'encampement du monde. L'encampement du monde, c'est ça, c'est un gouvernement d'indésirables séparé d'un autre gouvernement qui est celui où on vit libre et en démocratie. Mais eux, je voulais savoir simplement par curiosité, votre étude des camps, elle prend quelle place dans toutes vos d'autres études? Oh, ben, la question l'étude des camps prend quelle place dans toutes les études? Dans toutes les études. Oui, oui. Elle est venue à un moment de. Elle est venue à partir d'un travail sur la périphérie de Cali, de la ville de Cali en Colombie. Je vais répondre très factuellement et après plus théoriquement, si vous voulez. Elle a commencé quand j'étais en Colombie et que je travaillais sur dans un programme avec des collègues colombiens sur un programme de recherche sur les migrants qui s'installaient dans la ville dans la périphérie de la ville de Cali. Et puis je me suis aperçu à ce moment-là, mais c'était à une époque en 97, 98, 99, c'était une époque de recrudescence de la guerre interne en Colombie, que les personnes qui étaient là n'étaient pas tout à fait des migrants comme les autres, si on peut dire. C'était des personnes qui avaient été déplacées de force par le conflit armé. Et donc c'était ce qu'on appelait des desplazados, donc les déplacés. Et ces personnes avaient obtenu une reconnaissance, si on peut dire, officielle, par le vote d'une loi au Parlement, qui était une loi à caractère humanitaire, mais une loi quand même très importante, qui était une loi de reconnaissance du statut de desplazados, de déplacés. Et donc il y a eu, à partir de ce moment-là, bon, d'une part, il y a eu pas mal d'études sur les desplazados, et puis il y a eu des mouvements politiques aussi, des desplazados, pour demander de l'aide chaque fois qu'ils étaient déplacés par la violence, pour arriver justement dans les périphéries urbaines, etc. Donc après que je suis rentré en France et j'ai voulu continuer en m'interrogeant sur quelque chose qui était presque inexistant en Colombie, qui était les camps. Il n'y avait pas de camps pour se protéger, donc les gens allaient tous dans des périphéries urbaines. Et donc la question que je m'étais posée, c'était ça, est-ce qu'il vaut mieux un camp plutôt que rien? Très existentialiste. Et finalement, après toutes ces années, la réponse est non, surtout pas de camp. Mais effectivement, le camp peut être aussi un lieu où se créent d'autres formes de sociabilité, d'autres formes de vie. Et donc, les deux choses sont vraies en même temps. Ce qui me fait revenir à votre question, c'est-à-dire pour moi, depuis le début, c'est un parcours anthropologique, on va dire, qui prend principalement les espaces urbains comme terrain, dans les pays du Sud principalement, en Afrique, en Amérique latine, et qui s'interroge toujours sur les situations intermédiaires, sur les frontières, sur les marges, etc. Et donc je me suis trouvé assez logiquement à m'intéresser à cette forme particulière de frontières et de marges que sont les camps. Et où est-ce que vous vous situez, vous, dans une frontière, dans une marge, dans quoi? En 30 secondes. J'écris beaucoup par ailleurs sur la position de l'anthropologue, et donc de moi. Quand je dis l'anthropologue, c'est de mon expérience, qui est celle du décentrement. C'est-à-dire le décentrement, c'est ce qui nous permet de penser. Il faut toujours se décentrer. Il faut se décentrer de soi, il faut se décentrer de la société où on est, il faut se décentrer de ce qui nous est familier pour découvrir le monde, pour découvrir les autres. Et ce décentrement n'est pas forcément exotique. Il ne s'agit pas d'aller très loin dans le monde, c'est simplement se décentrer, se décaler pour établir de la relation. Voilà. Et je pense que le travail de l'ethnologue, le travail de l'ethnographe, de l'anthropologue, c'est un travail qui est fondé dont le savoir est fondé sur la relation. Donc je suis très, très moi, je suis, en tant qu'anthropologue, je suis toujours en relation. Finalement. On va prendre les deux dernières questions, donc monsieur, et madame, et courte, oui, parce qu'il faut laisser la salle, et on n'a plus de micro, vous voyez, donc je vous propose d'abord, donc je vais essayer de poser la question en parlant un peu plus fort. Voilà, ça va. La France est un pays très centralisé, mais dans vos études de camp, qui prend le pouvoir, qui a le pouvoir de la gestion des indésirables? Est-ce que c'est toujours ou fréquemment l'État central? Ou est-ce que ce sont quelquefois des pouvoirs locaux qui interviennent? Et si c'était le cas, est-ce que ça amène plus d'initiative, plus d'humanité dans la gestion des indésirables? On va prendre la deuxième question dans la foulée, et puis je te laisserai répondre, et Bénédicte conclure. Alors moi, je voulais vous dire que j'avais été terrorisée par ce terme d'encampement, mais terrorisée dans le bon sens, si j'ose dire. À savoir que ça m'a fait prendre une prise de conscience extraordinaire de ce qui se passait dans le monde. Et je me dis, pour répondre à une question qui a été soulevée tout à l'heure, à savoir, est-ce que les gens à l'intérieur des camps prennent conscience de quelque chose, d'un sentiment de révolte, etc. Je me dis, c'est à nous, nous, à l'extérieur des camps, de prendre conscience de ça. Je trouve que là, il y a une importance terrible. Je pense aux centres de rétention dont on nous dit qu'il ne faut surtout pas parler de camps. Alors, bien qu'on sache qu'il y ait quand même un tas de caractéristiques qui ressemblent, hein, je me dis, il faut absolument prendre conscience qu'on met dans des centres de rétention des gens pour ce qu'ils sont, et non pas pour ce qu'ils ont fait, pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des étrangers sans papier. Voilà. Et quand j'entends ce monsieur qui nous parle du camp de son pays, moi je veux bien entendre ça, et tant mieux si c'était comme ça. Mais c'est terrible, cet encampement-là. Et il faut que ce soit nous, les citoyens, qui prenions conscience de ça et qui luttions au niveau politique, hein, pour que ces choses-là ne continuent pas à se développer et à prendre cette dimension effrayante d'encampement. Qui se terminera en camp d'extermination. Ah oui, c'est ça. Non, mais non, mais bien sûr, voilà, on a peur de dire ça. On a peur de l'escalade des mots. On ne voulait pas qu'on nous dise que les centres de rétention, c'était des camps. Or, quand on regarde comment s'est constitué un centre de rétention, avec des barbelés, des miradors, des lits fixés dans le sol, des mitards, etc., c'est ça les camps. Et c'est ça que nous acceptons dans notre pays. C'est inacceptable. Michel. D'abord essayer de répondre très, très brièvement à votre question. Là encore, je veux dire, ça dépend des situations, ça dépend de quel type de camp on parle. Si je prends l'ensemble de ce que j'ai décrit comme étant ce paysage global de camps, bien sûr, les camps de réfugiés sont officiellement gérés soit par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, soit, le plus souvent, par une ONG internationale qui travaille pour le compte du HCR. Dans les camps de déplacés, ça peut être l'administration du pays qui a créé un camp de déplacés interne, ou bien une ONG qui travaille sous contrat pour le compte de l'administration publique. On assiste quand même souvent à cette contractualisation des organisations qui est parfois une contractualisation d'agences privées. Et donc, il y a un phénomène qui n'est pas encore généralisé, pas du tout, mais qui existe dans cet ensemble de dispositifs, qui est la privatisation, aussi bien la privatisation de certaines organisations dites humanitaires que surtout la privatisation des organisations de sécurité pour encadrer ces lieux, ces différents camps. Ce ne sont pas des pouvoirs locaux précisément, puisque c'est extraterritorial. En revanche, ce qui peut se passer, alors c'est l'histoire des camps palestiniens, c'est toute l'histoire des camps palestiniens, ce qui peut se passer, c'est que les gens qui sont là, les réfugiés, peuvent à un moment donné, c'est un peu le cas aussi pour les camps sahraouis, quand ils forment des minorités organisées qui se projettent dans un état désiré, les camps palestiniens, les camps sahraouis, les camps karen, ils forment des organisations politiques qui soit prennent le contrôle complètement, soit partagent d'une manière éventuellement conflictuelle ou en association le pouvoir d'organiser la vie avec les organisations, les ONG, les organisations internationales. Et puis il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de situations, c'est le cas évidemment des camps palestiniens, c'est le cas aussi des camps karen en Thaïlande en partie, c'est qu'il y a beaucoup de, il y a quand même beaucoup de liens entre les gens qui sont dans les camps et, les pouvoirs, enfin les pouvoirs locaux, et les réalités locales, des villages ou des villes. Donc souvent, même si c'est interdit officiellement, des gens sortent des camps et vont travailler, par exemple, en général, le bon marché, pour travailler dans les villages comme agriculteurs, ou on travaille dans les villes avec des gens qui peuvent éventuellement les employer. Donc on n'est pas systématiquement dans des situations où il n'y a aucun lien entre les camps, entre la population qui est assignée au camp et la population locale. Pour un campement, je ne ferai pas de commentaire parce que j'ai déjà dit tout à l'heure que je pense que, même si j'entends bien ce que vous dites, monsieur, il est important pour moi de dire que tout cela, ce sont des camps contemporains, qu'on est dans une forme d'organisation actuelle du monde et que, comme vous voyez, un philosophe, Giorgio Agamben, a beaucoup développé cette théorie que les camps, que le camp de réfugiés était le modèle de la politique, lorsque, dit-il, toute la politique sera biopolitique, c'est qui veut dire, en gros, en français normal, qu'il prenait le modèle du camp de la mort, si vous voulez. Et bon, moi, je suis très sensible, et comme beaucoup, j'ai beaucoup lu ce philosophe-là, Giorgio Agamben, le Homo Sacer, c'est un ouvrage important, voilà. Mais en même temps, je le critique énormément, donc et j'ai pris l'habitude de dire aux étudiants de ne pas le lire, de ne plus le lire, parce qu'il nous met sur une piste qui me semble erronée. La piste est erronée aujourd'hui. Pour parler des camps contemporains, on ne peut pas ramener la diversité de tout ce qui existe aujourd'hui au camp de la Shoah, au camp de la mort. C'est pas possible parce qu'on fait une erreur théorique, je pense. On fait une erreur parce qu'on est dans une forme d'organisation des espaces, d'organisation sociale, d'organisation de la mondialisation, où effectivement... peut-être qu'on est dans une grande forme d'apartheid global, je ne sais pas, quelque chose comme ça, mais pour arriver à penser que toute une partie de la population dans le monde, pour des raisons d'être indésirable dans le cadre des États-nations, va être traitée en reste dans l'espace des camps, l'explication de la Shoah n'est pas suffisante. Ça ne suffit pas, ça ne rend pas compte de ça. Et je recommande, puisque je vois que vous avez pris le livre de Homo Sacer, je me dis zut, j'ai raté, puisque à tous mes étudiants je dis de ne pas le lire. Alors là, donc je recommande plutôt, si on veut avoir une réflexion là-dessus, de lire outre tous les ouvrages qui sont là, et notamment Le Monde des Camps, de lire Hannah Arendt et ce qu'elle a pu écrire sur la crise de l'État-nation et la production et l'invention des exilés. Ou bien un petit texte de Hannah Arendt qui s'appelle « Nous, réfugiés » et qui commence par cette phrase qui dit, et d'abord la première chose, c'est que nous n'aimons pas qu'on nous appelle réfugiés. Voilà. Merci, merci beaucoup, Michel. Simplement pour vous dire que si vous voulez continuer à dialoguer d'une autre façon avec Michel Algier, demain, il intervient dans l'émission du Grain à Moudre sur France Culture. À propos de Calais, oui. Voilà. Et il est intervenu mercredi également sur France Culture dans l'émission Planète Terre, que vous pouvez passer comme chacun sait. Pour vous dire aussi que les bulletins d'adhésion, à partir de 8 euros, ont cette pièce-là. En fait, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça nous sert à louer la salle, à faire des affiches, à payer des billets de TGV. Voilà, faire vivre l'association. Et puis, il y a aussi une feuille sur laquelle vous pouvez indiquer vos adresses mail si vous voulez être dans la liste de diffusion. Ne vous inquiétez pas, on ne vous harcèle pas toutes les semaines d'activités, peut-être malheureusement, mais en tout cas, quand on a des activités, vous pouvez savoir exactement ce qu'on fait, où et à quelle heure. Donc, encore une fois, merci à vous, merci à Michel et Olivier, bien sûr. Oui, alors, vous voulez partir.